Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Il est différent des dieux de masques. Il est différent des dieux de forêt. Il est différent des dieux que l'on veut invoquer dans des cimetières. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a vaincu la mort. Il est sorti le troisième jour du tombeau. Oui, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie qui te dérange. Et reçois la guérison dans le nom de Jésus. Mais ne sois plus abattu. Parce que le nom de Jésus est capable de t'ouvrir les portes. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier pendant une demi-heure. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Juges chapitre 11, 1 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre texte du jour, c'est Juges 11, 1 à 11. Jephté, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephté. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. » Car tu es fils d'une autre femme. Et Jephté s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Il dit à Jephté, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephté répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galad dirent à Jephté, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephté répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephté, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephté partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcé. Amen. Trois vérités se dégagent de ce texte. Et ce sont ces vérités qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Dieu peut élever n'importe qui dans la société. Dieu peut élever des personnes rejetées. Je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Dans ta famille, tout le monde t'a rejeté. Dans ta famille, tu as vécu des moments difficiles. Même tes études, tu as étudié difficilement. Même pour payer tes frais de scolarité, tu as toujours pleuré. J'aimerais te dire que Dieu est capable de t'élever et tu vas oublier tout ce que tu as vécu. Même si ta famille est une famille pauvre, même si on t'a déjà insulté, même si ton papa ne reconnaît même pas que tu es son fils, laisse-moi te dire, il y a un avenir pour toi. Tant que Jésus-Christ est avec toi, il t'élèvera. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je vais dire à quelqu'un, tu seras un grand. Et les gens seront étonnés de ce que le Seigneur fera dans ta vie. Nous voyons ici l'exemple de Jephté. La Bible nous montre que Jephté c'était un fils d'une femme prostituée. Je vais dire à quelqu'un, ton avenir ne dépend pas de ta maman ou bien de ton père. Même si les gens t'insultent, ils disent que ta maman s'est prostituée et que même ton père, il doute même de sa grossesse, il doute même de sa paternité. Laisse-moi te dire, cela ne compromettra pas ton avenir. J'ai peut-être été fils d'une femme prostituée. J'imagine que les gens se moquaient de lui. Deuxièmement, on dit qu'il était rejeté par ses frères. Il est dit au verset 11, Jephté le Galadite était un vaillant héros. Il était fille d'une femme prostituée et c'est Galad qui l'avait engendré. La femme de Galad, qui lui enfanta des fils, qui devenit grand chasseur Jephté. Vous voyez? Donc c'est-à-dire les autres enfants de Jephté là, la marâtre de Jephté ne l'a pas accepté. Comme il était fille d'une femme prostituée, il a dit, toi là, tu es comme un bâtard, tu es un enfant impur, je vais te chasser. On l'a chassé. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu ressembles à Jephté. On t'a chassé. On ne te reconnaît même pas. Quand il fallait partager l'héritage, on a donné à tous les enfants, mais à toi, on ne t'a pas donné. Mais j'aimerais te dire que toi, tu auras un héritage beaucoup plus grand parce que tu as Jésus de Nazareth. La Bible déclare, tout appartient à ton Dieu. Le Seigneur va confondre ceux-là qui t'ont rejeté. Et troisièmement, on dit, Jephté, il est parti pour se faire un enfant de la rue. Jephté est devenu un enfant de la rue. Vous voyez, comme il s'est senti rejeté, il s'est senti mal aimé, il a commencé à côtoyer les enfants de la rue. Il est dit au verset 3, Jephté s'enfuit loin de ses frères, il habita dans le pays de Tob, des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephté. C'est ça l'équivalent des enfants de la rue, des gens de rien. Et il faisait avec lui des excursions. Vous voyez comment la société peut être méchante, mais cela ne va pas compromettre ton avenir. Le Seigneur dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Les gens peuvent te chasser, les gens peuvent se moquer de toi, mais ils ne peuvent pas enlever ce que Dieu a mis en toi. Vous voyez, malgré tout ce qu'on dit de Jephté ici, le texte dit au verset 1, Jephté, le Galadite, était un vaillant héros. Les gens ne peuvent pas voler ce que Dieu a mis en toi. Écoute-moi bien. Les gens ne peuvent pas mettre le potentiel que Dieu a mis en toi. Et à partir de ce potentiel, Dieu va t'élever. Ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Deuxième vérité, lorsque le temps de Dieu arrive, lorsque le temps de ton élévation arrive, Dieu va créer un problème au niveau de ta famille, au niveau même de la nation, dont la solution viendra de toi. Est-ce que tu comprends? Et les gens qui t'ont chassé, qui t'ont rejeté, ils viendront te chercher. C'est ce qui s'est passé avec Jephté. Dieu a créé un problème. Il est dit, quelques temps après, je vais dire à quelqu'un, le temps là est arrivé. Verset 4, quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Donc cette guerre là, c'est un problème que Dieu a suscité pour que les gens aillent chercher Jephté. Est-ce que tu comprends? Et verset 5 dit, comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Vous voyez, quand le temps de ton élévation arrive, ceux-là même qui t'ont rejeté, même au niveau de l'entreprise, je vais parler à quelqu'un. Les gens ont fait un complot pour t'enlever de ton poste, pour t'enlever de ton département, parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup d'entrées financières. Mais laisse-moi te dire, ceux qui t'ont remplacé de manière malhonnête, ils ne sauront pas tenir. À un moment donné, ils reconnaîtront qu'il y a un potentiel en toi qui faisait que le service marche, qui faisait que la direction marche. Ils se repentiront, ils vont reconnaître. Dieu va renverser la situation. Ils seront obligés de reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Ils viendront te chercher. Je suis venu dire à quelqu'un, on t'a chassé au niveau de ton entreprise de manière injuste. Mais laisse-moi te dire, les temps viendront où ils viendront te chercher. Même si on a écrit une lettre de licenciement, ils viendront te chercher. À un moment donné, ils te chercheront même comme étant consultant. Et c'est toi maintenant qui fixeras le salaire. Est-ce que tu comprends? Je prophétise sur ta vie. Ces choses s'accompliront. Et tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu. Il y avait que nous qui est juste. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de Dieu. Troisième vérité, nous devons avoir la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Oui, c'est ça la capacité des leaders. Lorsque les gens sont venus, lorsque les anciens de Galad sont venus chercher Jephté, même si le texte ne montre pas qu'il a pardonné, mais son attitude montre que Jephté a pardonné. C'est vrai, il a rappelé ce qu'ils lui ont fait. Parce que pardonner ne veut pas dire oublier. Même Joseph, lorsque ses frères sont venus le voir, il leur a dit, « Je sais que vous avez mérité de me faire du mal. » Mais pardonner, c'est avoir la capacité de ne plus se venger, même si tu te rappelles de ce que les gens t'ont fait. Jephté a rappelé, verset 7, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi ? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Et les anciens de Galade ont répondu au verset 8, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. » Et la suite nous montre que Jephté, il a accepté, parce qu'il a compris que cela, c'était dans le plan de Dieu. Accepte de pardonner à ceux qui t'ont offensé, parce que Dieu veut t'élever comme un leader. Un leader doit avoir cette capacité de pardonner, de dépasser les problèmes. Accepte de pardonner, oui, tes frères qui t'ont rejeté. Accepte de pardonner à ton mari, ma soeur. Oui, le diable a été jaloux. Le diable a tout fait pour qu'une jeune fille puisse envoûter ton mari. C'est pourquoi à un moment donné, il t'a abandonné. Maintenant que ton mari reconnaît ces choses-là, accepte, Dieu va bénir encore votre foyer et tu seras étonné de voir des miracles, des prodiges qui vont s'accomplir. Dieu a décidé de vous bénir avec ce mari-là, non pas avec quelqu'un d'autre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier, nous allons l'adorer en chantant ces cantiques. Le Dieu gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa bonté. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui as des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tu es le Dieu souverainement élevé, ô éternel notre Dieu, et tu es celui qui élève ceux qui se confient en toi. Oui, ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Tu es celui qui ne nous oublie jamais. Tu ne dédaignes pas les cœurs contrits. Tu es celui, ô notre Dieu, qui écoute la prière de ceux qui sont abandonnés, de ceux qui sont oubliés. Tu es le Dieu de notre salut. La solution à tous nos problèmes, c'est toi. Oh, nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Merci, toi le Dieu qui nous pardonne nos péchés et qui nous aide à pardonner aux autres. Merci au Père de nous conduire encore de gloire en gloire pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Juges chapitre 11, 1 à 11. C'est le passage du jour dans le cadre de notre émission de prière OSB. Je voudrais rappeler que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous avez la possibilité de télécharger l'application de Fréquence Vie. Si vous avez un téléphone ou une tablette Android, allez sur Play Store et vous allez taper Radio Fréquence Vie. Vous attendez un temps, le téléchargement va commencer et vous aurez l'application sur votre téléphone mobile Android ou sur votre tablette et vous pouvez suivre facilement OSB qui est rediffusé à 11h temps universel sur le net et à 20h temps universel. Nous venons de voir ici que Dieu peut élever les personnes rejetées comme Jephté qui était fils d'une prostituée, qui était rejeté par ses frères, qui est devenu un enfant de la rue. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui se sentent rejetés dans leur famille, dans leur société, qui se sentent rejetés même au niveau de l'église, afin que le Seigneur accomplisse leur destinée prophétique, afin que le potentiel qu'ils ont en eux puisse exploser. Si c'est toi-même qui es concerné, prie le Seigneur, afin que ce qu'il t'a montré puisse s'accomplir au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Très excellent Père, que ton nom est merveilleux, que ton nom est glorieux, ton nom est au-dessus de tous les noms. À la mention du nom de ton Fils, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions. C'est un privilège pour nous. C'est un honneur pour nous d'invoquer ton nom chaque matin. Nous prions ce matin au Père éternel pour toutes celles et tous ceux qui se sentent rejetés. Ceux qui se sentent rejetés par la société, rejetés au sein de leurs différentes communautés, rejetés au sein de leur famille. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons au Père éternel que tu interviennes dans leur vie, que tu règles leur situation, que tu relèves leur tête et que tout esprit de rejet ne les affecte pas au nom de Jésus-Christ. Libère leur potentiel. Fais en sorte, ô Père éternel, que le dépôt que tu as placé en eux puisse se révéler, puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Toi qui es le Dieu de justice, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de paix, nous invoquons ton nom ce matin et nous demandons au Père éternel que tous ceux qui se sentent rejetés trouvent en toi de la consolation. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Merci Père éternel, parce que tous ceux qui se sentent rejetés reçoivent une consolation de ta part, reçoivent une restauration de ta part, et que leur tête est relevée. Que ton nom soit glorifié à tous égards. Nous prions, Père éternel, et nous déclarons que leur témoignage sera plus grand. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu va susciter, va créer des situations pour que ceux-là même qui t'ont rejeté viennent te chercher pour t'établir comme leur chef. Tu vas prier le Seigneur pour que cela s'accomplisse dans ta vie, pour que cela s'accomplisse dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus, prions pour que Dieu élève ces enfants qui ont été humiliés comme il a élevé Jephté, pour que les gens qu'ils ont combattus viennent en disant « Nous venons pour que tu sois notre chef ». Prions le Seigneur. Croyons que tu es celui-là qui mérite d'être adoré, d'être acclamé, d'être exalté, psalmodié. Notre Dieu, nous nous inclinons devant toi ce matin, levons les mains, parce que tu le mérites. Tu es le Créateur, tu es le Roi, tu es le véritable, tu es le Dieu trois fois saint. Sois béni ce matin, parce que c'est toi, l'Éternel, qui fait mourir et qui fait vivre. Tu fais descendre au sujet des morts. Et tu en fais sortir, remonter. L'Éternel, tu appauvris, tu enrichis. Tu abaisses et tu élèves de la poussière. Tu relèves le pauvre du fumier. Tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et tu leur donnes en partage un trône de gloire. Amen. Car l'Éternel sont les colons de la terre. Alléluia. Nous te bénissons. Pour ceux qui s'étonnent aujourd'hui, qui s'inquiètent aujourd'hui, tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'histoire de Jephté nous en dit long. Et nous croyons que ceux-là qui pleurent aujourd'hui, tu vas les soulager, tu vas les fortifier, tu vas les remonter, tu vas les regarder, les revigorer pour continuer à faire ton œuvre. Et tu vas changer leur situation. Merci Seigneur. Parce que nous pouvons compter sur toi. Tu ne déçois jamais tes enfants. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'Égypte avait cette capacité de pardonner. Oh, prions le Seigneur. Je sais que c'est difficile de pardonner à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui nous ont délaissés, ceux qui nous ont insultés. Prions le Seigneur, afin que nous ayons cette capacité de pardonner au nom de Jésus-Christ. Afin que notre destinée s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous élevons ta grandeur, nous magnifions ton autorité. Digne es-tu, élevé es-tu, sois exalté ce matin. Père, ce matin, nous voulons prier pour tous ceux qui nous ont calomniés, tous ceux qui nous ont rejetés, tous ceux qui nous ont rabroués, tous ceux qui n'ont pas eu confiance en nous, tous ceux qui nous ont maltraités. Papa, tu nous demandes de prier pour toutes ces personnes, pour nos ennemis qui devraient nous aider dans un concours, devraient nous appuyer financièrement pour accomplir quelque chose et qui ne l'ont pas fait. Nous voulons que tu nous donnes de pardonner, de sanctifier. Seigneur, à toutes ces personnes, nous prions qu'elles vivent et qu'elles voient ta gloire. Seigneur, la Bible dit d'avoir confiance à toi, d'avoir les regards tournés vers toi, car tu es un Dieu qui ne déçoit jamais. Tu es un Dieu qui n'abandonne point, tu es fidèle. Merci parce que tu vas nous prendre de la boue pour nous élever. Tu vas nous prendre du désespoir, du chaos. Tu vas nous prendre du néant pour nous faire asseoir sur la table des grands. Merci parce que, quelles que soient les paroles qui ont été dites sur nous, nous savons que nous allons nous marier en toi. Nous allons enfanter, nous allons travailler, nous serons bénis, nous serons avancés, nous aurons aussi ce que notre cœur désire, car tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Merci d'ouvrir les portes afin que tous ceux qui nous ont négligés, rabroués, abandonnés, viennent et reconnaître tes bienfaits dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que les dimanches 12, nous n'aurons pas notre réunion habituelle bonheur conjugal. Mais ce samedi, les femmes sources d'eau vive organisent une rencontre spéciale pour célébrer les mères. Tous ceux qui aimeraient participer pour célébrer leurs mamans, pour célébrer leurs épouses, seront les bienvenus. Ce sera au CPE ce samedi 11 à partir de 15h jusqu'à 18h. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir. Et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.